Je comprends ce que tu veux dire, mais je pense que le y en a pas un qui est meilleur que l'autre, en fait. Je pense que c'est deux instruments à part entière, si tu veux, ou tu joues différemment dessus, quoi. Bah c'est sûr, après tu vas mettre le prix. Enfin, il vaut mieux avoir à la limite un bon synthé numérique qu'un mauvais piano acoustique. Enfin, toi, t'as les deux bons, apparemment, donc. Ouais, si tu recherches, c'est sûr que si tu recherches les sensations de l'acoustique, bah, il faut jouer sur acoustique. Enfin, ça, c'est sûr. Mais je pense qu'il y a des sensations aussi différentes, tu vois, avec les instruments plastiques, quoi. D'ailleurs, plastique ou en matériaux plus nobles que du plastique, hein, ça peut être du bois. Après, ça va rien apporter à l'acoustique, je suis d'accord. Mais on peut s'y attacher à ces instruments, c'est ça que je veux dire. Je pense que c'est ça qui est important, que tu t'attaches en fait à. Que tu aies quand même un lien avec. Par exemple, ma batterie électronique, tu vois, elle est toute pourrie, c'est des pads ronds, tu sais, en caoutchouc. Ça, c'est vraiment quelque chose de cheap, quoi, comme on dit. Mais moi, je l'aime beaucoup, cette batterie. Enfin, j'aurais du mal à m'en séparer. Ouais, ça c'est vrai aussi. C'est vrai que l'acoustique, enfin, c'est comme ceux qui ont le débat entre les instruments, enfin les synthétiseurs analogiques et les synthétiseurs enfin, qui ne sont pas, qui sont numériques. Et c'est vrai que pour faire la différence entre les deux, même avec les VST, entre un VST Arturia Jupiter et le vrai Jupiter, pour faire la différence entre les deux, il y en a qui se font avoir. C'est-à-dire, il y en a qui vont avoir une oreille. Enfin, beaucoup plus fines et qui vont voir la différence, mais il y en a, ils se feront avoir complètement. Et puis en plus, sur le véritable instrument Jupiter, en fait, tu peux mettre des effets et tout. Donc, ouais, je pense que c'est plutôt qu'on aime l'instrument. Je sais pas. Plus important, c'est ça. Et qu'on aime la musique aussi. Thank you.